Exercice 5. A. Loi. Bio. Croire. Boîte. B. Lui. Suivre. Cuir. Nouille. C. Courriel. Travail. Soleil. Pareil. D. Payer. Essuyer. Aboyer. Saluer. E. Miel. Ciel. Plaine. Fièvre.